Hey, bienvenue à la bière. Ben là, on joue là, c'est sérieux. Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Finish him! Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale. Listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. You're listening to Puissance Maximale. Key change, mofo. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Et oui, c'est le Puissance Anneau, édition du 8 janvier, première édition de cette année 2017. Bonjour, bonne année à tous les gens qui nous écoutent actuellement. Très heureux de reprendre la barre de l'émission de Puissance Nano pour une nouvelle année. Ici votre animateur Andrew pour vous divertir et vous informer en cette merveilleuse journée ensoleillée. Un peu froide par contre, mais ensoleillée. Et émission chargée aujourd'hui, on a en fait premièrement le grand retour de Monsieur Carl Trépanier, alias Atomic Turtle, alias La Game, alias ben des choses. Comment ça va, mon monsieur Carl? Ça va bien. Et toi, Andrew, comment est-ce qu'il va? Ben écoute, il va super bien. Ben content que tu sois de retour aussi, toi aussi en 2017. Je suis content d'avoir réglé mon bug. Maintenant, le monde t'entend bien. Excellent. Ça saccade pas. C'est merveilleux. C'est la joie de vivre fois mille. C'est ce qu'il faut. Donc, Atomic, comme d'habitude, tu viens pour représenter, ben, Carl, en fait. Ouais. J'arrête toujours de sauter entre les deux, hein, les habitudes du web. Mais, le dos et le nom. Ouais, mais une seconde, j'avais pas de misère parce que t'avais pris une pause de Twitch. Fait que, tu sais, je t'appelais tout le temps Carl parce que je te parlais en tant que Carl. Mais c'est là, t'as recommencé à Twitcher. Fait que genre jump avec les deux choses, mais en fait, tu viens parler d'actualité avec nous là, en tant que représentant de la game. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit sommaire rapide de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Carl? Je vais amener quelques nouvelles, mais le gros, je vais parler un petit peu plus de la game, parce que là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission de puissance nano. Comme je te parlais tantôt un petit peu avant l'émission, il y a des choses qui vont s'en venir bientôt dans les prochains mois, prochaines semaines. Je vais parler plus de ça un peu, mettre un petit peu de nouvelles aussi que j'ai vu passer, mais plus un gros topo de ce qui s'en vient pour la game dans les prochains, environ les deux prochains mois. Parfait, mais on a bien hâte d'entendre ça. Sinon, Carl, comme d'habitude, je vais t'inviter à rester avec moi pendant le segment nouvelles ou dossiers. En fait, cette année, je vais faire ça à la bonne franquette pour première émission parce que, comme chaque début d'année, oui, il y a plusieurs annonces qui sont faites, mais c'est beaucoup du réchauffé, de prévoir en fait du hype là, au niveau là, des jeux et des titres là, qui s'en viennent pour l'année 2017. Fait que j'avais pensé qu'on pourrait faire un petit dossier ensemble au niveau là, de nos hype. Là. T'sais, qu'est-ce qu'on a hâte qui sorte pour 2017 et pourquoi? Je trouve que ça pourrait être quand même intéressant là, d'en parler. Là. Donc, je crois que ça pourrait être un bon petit dossier. Sinon, bien sûr, quelques nouvelles là, qu'on pourra discuter ensemble là, parce qu'on se cachera pas que la grosse nouvelle de l'heure actuellement, c'est la Switch là, parce que l'événement s'en vient... prochainement, là, fait qu'on pourra peut-être en parler, voir les nouvelles rumeurs qui ont sorti là, au niveau là, du dossier en ce pré-événement. Là. D'ailleurs, je pense qu'au Japon, il y a même des séances de jeux qui sont déjà prévues là, pour suite après là, la conférence qui est prévue là, pour ce mois-ci. Donc, on pourra là, peut-être en glisser un mot là, tantôt. Sinon, pour les auditeurs, autre élément là, qu'il va avoir, il va avoir une entrevue, bien évidemment, avec M. Luc Biron, président du G-Animé d'hiver 2017, en fait, du G-Animé point barre. Donc, il va nous parler là, de l'édition là, que Puffcorn et moi, là, au niveau des productions puissance maximale, on a été invités à aller couvrir l'événement. Festival qui se passe à Gatineau le 20, 21, 22 janvier. C'est un rendez-vous, on y va chaque année. C'est vraiment un des festivals qu'on apprécie le plus là, au niveau là, des festivals fanbase au niveau du Québec. Donc, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Si vous êtes jamais allé, on vous recommande fortement d'y aller. Et là, justement, Luc, il va nous donner un petit aperçu, un petit avant-goût, en fait, là, de qu'est-ce qui s'en vient au niveau là, de tout ça. Donc, ça va être quelque chose à ne pas manquer, bien évidemment, au niveau de l'entrevue. Sinon, si tu me permets, Carl, on va aller tout de suite à une petite pause musicale. On va aller avec l'entrevue avec Luc Biron et après ça, on va revenir pour parler de la game et de tous les projets avec toi. Donc, ça te convient comme problème. Ça? Yes, yes, on y va comme ça, il n'y a pas de problème. Parfait, donc on va y aller avec une petite pause musicale et on se rejoint de l'autre côté avec M. Luc Biron. Donc, je vous invite à rester sur le www.puissancemaximale.com qui est également une page Facebook. Si vous allez sur Facebook, chercher Puissance Maximale, vous allez trouver les productions Puissance Maximale. Vous faites un j'aime parce que nous, on vous aime. Et vous pouvez faire aussi une petite recherche pour la game aussi. Il mérite votre amour. Et Atomic Tantral, bien sûr. Atomic avec un zéro, c'est bien important. Oui, c'est sa marque de commerce. C'est sa marque de commerce. Il est écrit en lit. Mais tout ça pour dire que faire un j'aime, parce qu'il mérite également de l'amour, notre cher Carl. Donc, bien sûr, vous pouvez nous retrouver là-dessus. Ça va faire en sorte que vous allez rester informé de toutes les nouvelles et activités qu'on veut faire au niveau là, des productions Puissance Maximale et évidemment la game qui est sa propre identité et ses propres projets personnels qu'on va parler tantôt. Donc, on va en pause. Restez en onde, on vous revient tout de suite. Vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiot, invité d'honneur de GAnime 2012. Et oui, de retour après cette pause musicale, en direct avec M. Luc Biron, président de GAnime, festival de geek en fait. Maintenant, avant, il était animé, maintenant geek de Gatineau. Comment ça va, M. Biron? Ça va très bien. On est encore animé en majorité. Là. C'est Anime et Geek, donc oui, il y a toujours un segment animé qui prend une grosse partie de la place, surtout dans le contenu. Mais bon, on est anime et geek, mais on reste anime en majorité. Oui, oui, non, c'est ça, effectivement. Les salles de projection, c'est beaucoup de l'animé. Il y a plusieurs invités qui sont des doubleurs d'animé, de la musique japonaise et tout ça. Et ça reste quand même très fortement animé. Mais vous avez ouvert quand même les portes à des YouTubers. Ben, oui, ben, c'était nécessaire. Ben oui, c'était nécessaire, oui. Pas juste pour. C'était une question de contenu, parce qu'il n'y a pas d'industrie au Québec là, de l'animé. Là. Toute l'industrie est en France, puis il n'y a pas une compagnie française qui va vouloir investir au Québec pour 2000 personnes. Puis il n'y a pas, bien entendu, les Américains, ils sont contre-foot de leur clientèle, ben pas la clientèle, mais des festivals qui ont à peu près 2000 personnes. Là. Ils veulent faire de la publicité, là, mais ils veulent pas investir, puis ils veulent surtout pas donner du contenu en français. Parce que pour non, eux, ben ils n'ont pas le droit d'avoir la licence. Non, fait c'est que... ça. Fait que faut s'adapter, bien évidemment, là, comme tu disais. Mais j'ai animé sur un des festivals qui a quand même fait une transition très, très fluide, là, pour être bien franc. Là, je me rappelle des premières années où c'était 100% animé. Ça s'est fait très fluidement, le transfert à une ouverture. Bon, ça s'est fait graduellement et par incrémentation. Et puis, c'est là. Puis on a... D'ailleurs, c'est la formule qui est utilisée partout au Québec dans les conventions qui ne sont pas Otakuton et Comic-Con. C'est la formule de Gemini. Mais sinon, donc, Luc, si tu me permets, on a un festival qui s'en vient dans deux semaines, festival Génimé d'hiver, là, qui va avoir lieu le 20, 21, 22 janvier, au Palais des Congrès de Gatineau. T'es rendu à ta combienième édition, Luc? J'ai perdu le compte avec le temps. Moi aussi, j'ai perdu le compte. La première était en 2009. Fait que on devrait être à la 9e, on va avoir la 10e l'année prochaine, puis ça va faire 10 ans en 2009. Déjà. Le temps passe vite, pareil, hein? Oui, le temps passe très, très vite. Pour moi, c'est comme si c'était hier. Je me rappelle la première fois que j'étais venu à Génimé, puis j'étais venu te voir en avant lors de ta cérémonie d'ouverture parce que j'avais des problèmes avec un PowerPoint. Il y a des photos archivées de ça sur Facebook, d'ailleurs. Oui, il y a des photos archivées de plein d'affaires. Mais bon, il y a eu d'autres problèmes bien pires que ça. Non, non. J'ai animé. Non, effectivement. Mais bon. Mais si tu me permets, Luc, encore une fois, édition estivale quand même chargée en activités, en invités. En fait, j'ai fait une vidéo la semaine passée là, au niveau là, de pour annoncer quelques invités, là, comme de quoi qu'on y allait. Mais ça ne te dérange pas, est-ce que tu peux nous donner un aperçu de tout ce qui est invité là, qui s'en vient au Génimé Boy. Peut-être mais pas tout, là, mais tu peux commencer. On a quand même. On a Steelers et on a Bob Lennon cette année, tu sais, dans la catégorie YouTuber qui est pas mal ce que le monde recherche le plus comme invité. Là. On a ça, là, littéralement. Steelers, c'est le YouTuber québécois en ce moment, là. Je veux dire, il tape, il frappe fort, il a sa clientèle loyale. On a aussi Madiba qui est là, qui est du Québec avec, qui est invité. Donc, c'est ça. On a Bob Lennon, Tartinex. C'est à peu près ça. Puis, bien entendu, on a bien entendu le jeu, c'est sérieux, Alpha, etc. Là, ce qu'on va avoir d'intéressant, on va avoir un combat, une revanche, parce que au MyFest, Steelers puis Alpha s'étaient battus contre Giz puis Laurent, puis ça avait été un désastre pour Steelers. Fait que c'est la revanche. Donc, on va les faire jouer un contre l'autre à un jeu classique. Puis, c'est ça. Fait que il va y avoir quelques petits twists probablement. Ça va être intéressant. Là, on va avoir aussi, on a aussi MC Prop, Mao Chan et Beck Cosplay Wonderland, qui sont des YouTube, qui sont des cosplayers, des costumadières. Ils sont de très bons costumiers. Fait que ils vont faire des panels. Mao puis MC Prop vont juger la mascarade. Puis on a d'autres, je crois qu'il y en a d'autres aussi. On a bien deux groupes de musique qui vont être là cette année. Le retour de Hoshifuru, le groupe de J-pop. Oui. Et bien entendu, on a le retour de, on n'a pas le retour, mais on a le retour d'un orchestre symphonique. Et là, c'est le Pop Orchestra, Ottawa Orchestra, qui est grosso modo un orchestre avec des musiciens qui ont étudié à majorité à l'Université d'Ottawa. Pas tous, mais la majorité. Ils sonnent extrêmement bien. Et ils nous ont approché et disent, hey, nous, on veut faire un show. Fait, pas de tout, mais on va vous arranger ça. Ça coûte cher, mais ça vaut la peine. Ben, c'est toujours impressionnant, les orchestres. T'es, moi, je sais que quand je vais dans un festival et j'ai la possibilité d'aller écouter un orchestre symphonique, c'est ben, un orchestre, là, pas forcément symphonique, là, mais un orchestre point barre. C'est toujours impressionnant, c'est toujours le fun d'entendre ça. Puis en plus, qu'est-ce qui est bien, en ayant été à plusieurs festivals, je trouve que les salles du Centre des congrès de Gatineau ont quand même une bonne sonorisation pour ce genre de spectacle-là. Là. J'étais allé m'emmener voir un orchestre au Centre des congrès de Québec lors d'un autre événement que je ne citerai pas ici. Et le son était, ma foi, très mauvais. Là, tandis que à Génimé, vous avez quand même une expertise au niveau technique qui fait en sorte que le son est quand même on a eu une expertise, mais dans le cas suivant, la salle est quand même assez petite. Donc, 6500 pieds carrés, j'appelle ça petit, mais tu sais, quand tu compares à Tacouton ou n'importe quoi. Oui, en effet. Sauf que l'affaire, c'est que la salle le son est fait en acoustique. Là, je sais pas combien de places il y avait à Québec. Là, à l'événement que tu veux pas nommer. Non, mais c'est cause que t'es le Centre des congrès, puis t'es la façon que vous faites des ajustements, ça fait en sorte que t'es pour une salle de congrès, ça sonne très bien. Puis t'es, c'est sûr, c'est pas le même niveau qu'une salle de théâtre, là. T'es, c'est pas la même chose. Hein. Non, définitivement pas. Mais t'es, je parle, si je prends l'équivalent dans un Centre des congrès qui est à Québec. Votre son, ça demande le mieux parce que vous êtes capable de mieux calibrer vos choses. Là. En même temps, avec le nombre d'années que vous êtes dans le même centre des congrès, c'est maintenant, on sait juste. Non, ben définitivement pour un show un show régulier, là, qui est pas genre comme un chifourou ou quoi que ce soit, on laisse toujours le temps de faire un setup correctement, puis on a une équipe qui est de l'expertise, on loue, on paye très cher. C'est lourd sur le budget, là, parce que, tu sais, on n'a pas beaucoup d'argent, mais, tu sais, il faut qu'on paye 7 000 $ d'audiovisuel pour 3 salles, ben, ouais, je vais le faire, ça me dérange pas, parce que c'est ça qui relie à la mascarade, à la danse, etc., etc. Donc, c'est ça qui fait que, justement, Janimé est capable de se battre à armes égales, ou presque à armes égales avec, je sais pas, Comic-Con Québec, puis Comic-Con Montréal, puis Attacouton au bout de la ligne. C'est qu'on met de la qualité où ce qu'on est capable de le mettre, où ce que ça compte. Oui, ben c'est ça. Puis on sous-estime souvent la qualité sonore comme un élément important. Là. Ben oui, entre autres. Mais tout est. À Jeux animés, on fait pas 3 milliards d'affaires, on en fait plusieurs, mais on les fait très bien. Et c'est ça, justement, qui garde la qualité du festival. Que ce soit la mascarade, que ce soit nos shows maison, qui sont en passant très, très bien cotés, comme le show du Gros Vaca. Donc, qui va avoir comme participation Bob Lennon cette année en plus? Donc, j'ai pas besoin de vous dire que on se force, on fait des shows, on met du bon contenu, et le monde s'amuse dans nos événements. Puis, tu sais, je sais pas, moi, si vous allez regarder un autre show X, vous allez voir que, oui, peut-être qu'Otakuton a des plus gros événements, mais quand vous regardez le total, vous regardez que la qualité, si j'ai mis, au bout de la ligne, elle reste là, puis elle reste stable du début jusqu'à la fin. Donc, puis d'ailleurs... C'est ça, il n'y a pas grand festival qui est capable de dire qu'on a les moyens, qu'on n'a pas juste les moyens, mais que ça arrive à un point avec une programmation qui a de l'allure. Effectivement. Et c'est, d'ailleurs, on le dit souvent, là, j'ai animé, comme je l'ai dit un petit peu en début d'émission, c'est un des festivals qui était un de mes festivals favoris, en fait, là, qu'on couvre là, dans l'année. Là, parce que c'est celui-là que, personnellement, je trouve que la programmation la plus variée. Là. Donc, quand on va à Génimé, on n'a pas de temps mort. On n'a pas vraiment. On en a très peu du moins. On n'a pas de moment dans l'horaire où on fait comme ah ben là j'ai rien à faire. T'sais. Il y a toujours quelque chose à quelque part qui intéresse. Ben, oui, le casse-tête pour nous autres est de savoir qu'est-ce qu'il faut couper et qu'est-ce qu'il faut garder dans l'équation. Non, c'est vraiment problématique parce que en plus on a une espèce de volet bilingue. Donc tu sais, il faut balancer l'anglais et le français. Puis ben, là, c'est comme puis la mascarade prend 2 salles, ça l'aide des heures. Ça fait un peu mal pour ce qu'on. On pourrait avoir une salle ou deux de plus. Parce que là, cette année, on est juste dans le Palais des Congrès. On n'a pas repris la Maison du Citoyen, vu que ça n'a pas fonctionné l'année dernière. Puis on a trouvé un moyen pour les inscriptions d'être à Place du Centre. Mm-hmm. Donc les inscriptions cette année vont se faire à Place du Centre. Fait que dans le Palais, ça va fonctionner à peu près comme l'année dernière, mais pas tout à fait. Là. Mais grosso modo, c'est qu'on se ramasse avec 4 salles d'activité. Puis une cinquième, ça ferait pas de tort. Non, c'est... Définitivement pas. Il y a toujours des problèmes au bout de la ligne ou quoi que ce soit. Mais bon, on verra. Le temps nous dira qu'est-ce qu'on peut faire et comment qu'on peut arranger ça. J'anime toujours en transformation. Et puis, il y a une tangente qui fait que, tu sais, il faut qu'on se prévoie dans le futur ou quoi que ce soit. On n'est pas le plus gros, mais on n'est pas le plus petit, tu sais. Donc, tu sais, on vit pas le jour, mais tu sais, on veut, on faut qu'on fasse des actions pour survivre. C'est ça, la vérité. Et sinon, est-ce que tu as d'autres invités, Luc? Oui, définitivement. J'ai Ico qui revient. J'ai beaucoup de youtubeurs, comme je le disais si bien. J'ai le jeu sérieux. J'ai la voix de Ash, de Pokémon, qui va être là. La voix française. En fait, la voix belge, qui a fait le doublage québécois et belge. Parce que faut que tu comprennes qu'en réalité, Pokémon, la série télé, a deux doublages. Ouais, ben c'est le, ça. Le doublage européen, puis le doublage français de France, mais qui est le même doublage en réalité. C'est juste que la série, la grosse différence avec la série, c'est que genre française, c'est qu'à place de dire, ils ont dû changer les noms pour le doublage parce que ben les Pokémon français, la version française de Pokémon n'était pas sortie au Québec. Donc, puis Ash s'appelle Sacha en européen, etc., etc., Brooke s'appelle Pierre, blablabla. Mais c'est juste ça la différence. Fait qu'ils ont vraiment, quand il y avait des dialogues, ils ont coupé les noms le plus possible. Quand il y avait les noms, ils refaisaient la scène avec le nom de la personne. Mm-hmm. Donc, c'est assez spécial, puis c'est de même qu'ils ont refait le doublage au complet. Ouais, ben c'est ça, c'est à cause que je sais que nous autres, on connaît deux voix de H au Québec, là, parce que je sais que les films, c'est un autre doubleur aussi également. C'est Sébastien Redding qui ouais, est c'est un ça, super exactement, doubleur, super Sébastien. Ouais, je sais, je t'ai vu Facebook avec. Mais je sais que les films, c'était Sébastien Redding. Puis c'est comme tu disais, je pense, si je me trompe pas, là, c'est que la voix série télé, c'est Aurélien, là, si je me trompe pas. Là, exactement, c'est Aurélien. Puis non seulement c'est sa première fois qu'il vient au Québec, mais en fait, c'est la première fois qu'il fait une convention au point. Ah, ben, il a jamais fait de convention. Fait que c'est une exclusivité, j'ai animé. Ben, c'est pas pire. Il y a personne qui l'a eu en France. Il a choisi sa convention pour se faire son baptême. il a choisi sa convention pour se faire son baptême. Puis c'est assez un peu spécial parce que ce qui est arrivé, moi je parle, tu te souviens probablement d'un autre de nos invités qu'on a fait venir, Christophe Gonin, oui. L'année dernière, de messéries.fr. Super sympathique comme gars. Le gars, c'est mon équivalent doubleur, parce que moi j'ai la spécialité doubleur québécois, là. Si tu cherches un doubleur québécois, je vais trouver son contact. Généralement, c'est moi qui ai ouvert le bal au Québec. Pour les doubleurs français, ben c'est lui qui est le doubleur français. C'est lui qui est le spécialiste du doubleur français. Ah, OK, quand même. Donc, ouais, c'est ça. Lui, c'est son équivalence. Puis là, j'ai fait venir Jackie Berger pour la première fois ici. Oui, en la faisant voix venir d'Esteban, Jackie Berger, si je me trompe pas. Oui, la voix d'Esteban. En faisant venir la voix d'Esteban, j'ai un gars qui me demande de me rajouter sur Facebook. Il y a un peu après, puis là, je sais qui. Fait que là, je demande, tu sais, je vois que j'ai en commun Jackie Berger, puis je demande à Jackie Berger, c'est qui. Il dit, il est super sympathique, il fait la même affaire que toi en France. Oui, il parle. Fait que je commence à parler avec lui, puis il m'a ouvert plein de contacts, j'ai parlé avec plein de doubleurs, tous les doubleurs français de France, pas tous, mais une partie, il m'a aidé à les ouvrir, il m'a aidé à ouvrir les portes avec eux. Donc, puis d'ailleurs, bon, il faut juste que je le retienne une fois de temps en temps, là, parce que si ça serait lui, il me ferait venir n'importe quel doubleur français là, qui a aucun bon sens, là. Donc, qui a pas d'intérêt à venir au Québec, mais en tout cas, grosso modo, c'est lui qui a ouvert les portes. Puis il m'a ouvert les portes de Julie Basse, qui est une ontarienne d'origine belge, grosso modo. Bref, elle a grandi à Ottawa, puis elle a vécu un peu sur le bord du Québec, là, puis elle allait sur le bord du Québec à Gatineau trois quarts du temps. Fait qu'elle vient de la région. Puis elle, ce qui est arrivé, c'est qu'elle est retournée en Belgique. Puis pour une raison X. Puis elle a continué à travailler en Belgique parce qu'elle a toujours eu son accent belge. Sauf qu'elle a ses expressions, sa manière de parler québécoise. OK. Donc, grosso modo, c'est qu'elle m'a parlé il y a 2 ans. Puis c'est elle qui a dirigé My Little Pony, le doublage. Fait que, grosso modo, elle parle de ce coin-là tout le temps. Puis Aurélien, est amie avec Aurélien. Fait que, à cause d'elle, genre Aurélien a dit, moi j'y vais, je vais aller à j'animer. Parce que t'as parlé à Luc. Tout ça, c'est relié ensemble. Je trouve ça assez comique parce que, non, c'est de même que je ramasse des invités à droite puis à gauche. C'est ça la bonne franquette dans la manière que j'attrape les invités à j'animer. Ah, ben donc, c'est ça qu'il faut. Comme ça, t'es... parce que je sais que tu as quand même une bonne réputation avec plusieurs invités qui sont déjà venus, là, comme de quoi là, qui avait été ben, très bien reçu au GNM. Fait que, ben, je veux dire, Bob Lennon, quand j'ai parlé avec lui, c'est comme j'ai sorti une couple de fois, j'ai des réunions avec Bob Lennon. Malgré qu'il n'est pas toujours disponible. Je veux dire, il dit bon, OK, j'ai dit c'est quoi tes heures, c'est quoi tes manières de fonctionner? Puis comment tu veux fonctionner, tu veux faire ci, ça, ça. Fait que, tu sais, on a une expertise, on sait comment ils veulent gérer leurs exécutions. Puis, ben, je suis quand même surpris que, genre, vous me gérez de même. Habituellement, je rentre dans le festival, puis, genre, c'est démerde-toi par toi-même. Puis, tu sais, je veux dire, vous êtes encadré, puis on m'avait prévenu que vous étiez de même. Parce qu'on a cette réputation-là dans des festivals. Là. Banzai, là, la seule raison, parce qu'on était supposé avoir Banzai, la seule raison que Banzai a annulé, là, c'est parce qu'il y a eu un contrat, une offre qu'il pouvait pas refuser. Il s'est mis ami avec Banzai une flush pour un festival pour l'industrie de la porno américaine là. Donc je peux pas trop y en vouloir en connaissant le mec là, tu sais. Je dois avouer par exemple je m'attendais pas à ça. Ouais, moi ça me surprend pas, mais il s'est mis ami avec le magnat de la porno américaine. Okay. Je sais pas c'est qui exactement, il m'a dit non, comme ça m'a passé sur sa tête, c'est pas mon genre d'affaire, là, t'entends, là. Donc, non, fait que grosso modo, ben, c'est ça, c'est la raison pourquoi Banzai ne revient pas, mais Banzai va revenir, ça, c'est sûr et certain. Puis, quand j'ai dit, tu veux-tu revenir au Québec, il a fait comme, il n'y en a pas de problème. Disons que, bon, il n'est pas super, il s'est excusé parce qu'il a dit qu'il a mal vérifié ses dates, il n'a pas été correct, là. Puis là, j'ai eu Bob qui est arrivé, tu sais, j'ai pas de problème à avoir du monde. Bob vient par lui-même. Il a sa femme avec qui va être là. OK. Puis il a payé son propre billet pour sa femme, là. Donc, je veux dire, j'ai pas eu trop à négocier avec lui quoi que ce soit. Puis sinon, parce que là, je vois le temps qui avance. Fait qu'on va regarder. Oui. Sinon, il n'y a pas juste des invités à Génie, il y a également des activités. En court résumé, c'est quel genre d'activité qu'on peut voir au Génie? Du tout au tout, des quiz questionnaires, des activités qui sont un peu méchantes comme le show du Rubaka, des événements de musique, on en a parlé, il y a la mascarade, cette année, il y a quelques petites nouveautés, on va avoir un Tetris de char. OK. Le dimanche. Fait qu'on va monter deux voitures dans le palais des congrès. Et, le monde va devoir faire du Tetris. OK. Ouais, ça va être une compétition de Tetris, pacter le plus de chars, le char le mieux possible pour les conventions. Je pense que ça va être assez populaire. Je dois avouer que c'est quand même inusité comme activité. C'est assez n'importe quoi, je dois admettre. Puis, bien entendu, soyons honnêtes, c'est quelque chose. Là. C'est quasiment éducatif, oui, tout à fait. On a d'autres choses qui ont été prévues à droite puis à gauche. Puis bon, il y a le quiz Video Game Jeopardy. Il va y avoir la Nintendo Tune, bien entendu. Niveau panel, on a deux salles de panel. On a quelque chose d'assez varié à date. Moi, j'ai vu qu'il y a des panels à date, puis c'est quand même bien comme ce qu'on a. On a beaucoup de... J'en teste un nouveau, là, cette année, là, d'ailleurs. Oui, mais bien entendu. Ce qui est plaisant, c'est que beaucoup des ateliers à Génime sont faits par des invités, mais c'est des invités qui savent exactement de quoi ils parlent. Là. Je veux dire, Ico, là, qui écrit des mangas, ben, ils viennent couvrir, puis ils vont parler de n'importe quoi, puis ils vont le faire de manière très, très, très, très, très détaillée, là. Ouais, ben c'est ça, comme moi, cette année, il y a mon traditionnel panel sur puissance maximale. Sauf que cette année, je rajoute un volet où je vais expliquer aux gens comment qu'on fait pour partir une web radio, dans le fond, là, le procédé. Oui. Et en toute légalité, là, parce qu'il faut avouer que nous autres, on porte de la musique et on est 100% légal, on a tous les permis pour le faire. Je fais également un nouveau panel qui est en référence à No Man's Sky, mais pas uniquement No Man's Sky, qui est dans le fond, est-ce que réellement No Man's Sky est un mensonge ou tout simplement le fantasme d'un concepteur de jeu qui a été non contrôlé devant les médias. Là. Puis je vais faire des parallèles avec d'autres concepteurs de jeux qui sont pas des experts en communication et qui ont fait à peu près les mêmes choses que qu'est-ce qui a été fait par No Man's Sky. Là. Donc ça risque d'être très intéressant. Autre chose, aussi, il va y avoir deux salles de projection, encore une fois, un beau contenu qui s'en vient avec. On a magasiné fort pour trouver des choses cette année. bien entendu. On a des bons doublages, on a des bonnes séries qui s'en viennent. Puis c'est bien parce que on prévoit même déjà le jeu animé d'été. Là. Ça a l'air de rien, mais au moment que on est en train de finir le jeu animé d'été, d'hiver, on est déjà en train de partir le jeu animé d'été. Ouais, ben ça, c'est ça qui arrive quand on en roule deux. Hein. Oh non, j'ai pas le choix, là. C'est un après l'autre. Là, par chance, le deuxième, il est beaucoup plus petit. Fait que, tu sais, j'ai pas deux gros jobs à faire. Mais ça va être intéressant à voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Bon, ben parfait. Okay, c'est ça. Sinon, Luc, non. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais annoncer? Non, mais il y a pas. Ben oui, j'ai oublié qu'on a aussi cette année, on va avoir beaucoup d'invités de mode. Ça va être annoncé dans les prochains jours. Sauf que je suis capable de faire des images. Et puis, on a un fashion show. On a Sacha, on a Élégance d'autrefois, on a Gold Girl, on va avoir Ocean Clan, tous des artistes niveau mode qui sont incroyables. Donc, manquez pas ça. Puis, on va avoir une nouvelle annonce d'une nouvelle invitée anglophone parce qu'on a Glass Reflection qui vient et on a une autre YouTuber de Toronto qui va venir faire son tour. Ben, parfait. Donc, puis, qui va être annoncée d'ici peu. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup, Luc. Donc, on va rappeler les dates. Donc, c'est le 20, 21, 22 janvier au Centre des congrès de Gatineau. Donc, le jeu animé d'hiver. Le Palais des congrès de Gatineau. Ouais, le Palais des congrès de Gatineau. Donc, le jeu animé d'hiver 2017. Luc, est-ce que tu peux nous rappeler les tarifications à la porte? Bien entendu, 50$ pour le week-end. Vous pouvez payer 40$ pour le samedi. 35 le dimanche, 25 le vendredi. Si vous voulez juste venir pour la danse, ça coûte 25$ à partir de 7h. Et bien entendu, les enfants de 12 ans et moins rentrent gratuitement. Donc, si vos enfants veulent voir Bob Lennon ou Steelers, ben, vous n'avez pas besoin de payer s'ils sont 12 ans et moins. Mais il faut qu'ils soient accompagnés d'un adulte, bien évidemment. Bien entendu, il faut qu'ils soient bien sûr accompagnés d'un adulte. Oui, parfait. Donc, merci beaucoup, Luc, de ton temps. En tout cas, c'est sûr que nous autres, Puissance Maximale, on va être présents au jeu animé le 20, 21, 22. C'est toujours un rendez-vous annuel pour notre part et on va se voir là-bas, Luc. Pas de problème. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Donc, on va retourner en pause musicale et ensuite, on revient avec Carl Trépanier de la Game pour son dossier actualité. Donc, restez sur le www.puissancemaximale.com. You sacrifice it all. Oh. You won't get to taste it with your face against the wall. Wall, wall. Get up back at me, show the power trapped within. Do just what you want to, and I'll stand up and begin. Oh. 1, 2, 3, 4. Nous sommes les Chicken Swell et vous écoutez la puissance maximale avec Andrew! Et oui, de retour après cette pause musicale, on est en entrevue avec Luc Biron, président de Génimé. Je rappelle les dates de l'événement, le 20, 21, 22 janvier. Et on est de retour à Puissance Nano avec Monsieur Carl. Comment ça va, Carl? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, ça va toujours bien. En tout cas, presque. On essaye. On essaye. Donc, Monsieur Carl, je vais te représenter au cas où que les gens viennent d'arriver. Donc, Monsieur Carl, qui est également connu sur les internets sous le nom de Atomic Turtle, également, on peut quasiment t'appeler rédacteur en chef, en fait, au niveau de la game. Oui, présentement, oui, vu qu'il n'y en a pas, là, c'est moi qui l'ai. C'est quoi ton titre officiel à la game? Grand Manitou suprême. Ouais, c'est moi le boss. OK, donc non, le boss. en soi, tu sais, j'ai starté ça puis tout, fait que je gère tout ce qui est le site internet et tout ce qui est en arrière de tout ça. C'est sûr que là, présentement, en plus de ça, je fais aussi rédacteur en chef parce que là, j'en avais un puis pour cause de surcharge projets. De travail, c'est ça, puis d'autres projets, ben il a quitté. Fait que c'est ça, je suis toujours en recherche d'éditeurs, toujours en recherche éditeur en chef du nouveau monde tout le temps. Ouais, mais t'sais, c'est ça les joies de notre type de média, et joies ici je mets entre guillemets, là. Ouais. C'est toujours une recherche perpétuelle de nouveaux membres, parce qu'il faut le rappeler, les productions puissance maximale autant que la game, c'est du bénévolat en fait, on fait ça pour le plaisir et pour le fun de vous informer, mais c'est toujours des projets d'ambition qui est un petit peu dur à traîner sur nos épaules tout seul, donc ça nous prend toujours un peu d'aide sur différents niveaux. Et quand on en a là, qui sont fidèles et qui fonctionnent de façon quotidienne, on les accroche. Ah oui, on les garde ceux-là. Mais sinon, Carl, en ce début 2017, la game va avoir plusieurs changements. Donc tu voulais nous en parler là, sur les ondes, là, nous dire l'évolution, un peu la game 2.0 édition 2017. Oui, il y a une nouvelle éditrice, Marie-Pierre Caron. Une streameuse connue sous le nom de Soat, très bonne streameuse, si vous voulez aller la voir sur Twitch, suivez-la. Écoute, je te permets même ce soir, là, maintenant. Ouais, t'es à 7h de partager. Hey, c'était subtil ça. Ouais, hein? Je te permets de partager sa page de Twitch si tu veux, sur la page de Puissance Maximale sur Facebook. Ouais. Pour ainsi le permettre aux gens là, de voir la page et ainsi faire un j'aime sur sa page. Parce que c'est important d'aimer. Partager sa page Facebook, de toute façon, tous ses liens sont là dessus. Ben oui, exactement. Puis c'est ça, son premier article va être un top et flop des jeux vidéo 2016. Ça devrait sortir dans le courant de la semaine. Ensuite de ça, il y en a qui savent qu'on avait un podcast l'année passée. Oui, qui avait tombé en pause pendant un certain temps. Ouais, c'est ça. Fait que là, on était avec toi, grâce à toi, en fait, je suis tombé sur la plateforme Web Radio. Puis là, dans 2 mois, j'ai regardé, puis ça se peut qu'on recommence. Il y a des fortes chances qu'on recommence le podcast, la game sur Twitch, dans 2 mois. Là, c'est juste une question de setup, planification, de restructuration de l'émission qu'il y a à faire. Fait que c'est pour ça que je me donne un 2 mois pour être bien planté. Mais dis-moi, Atomic, je suis sûr que tout le monde qui nous écoute actuellement, Carl, en tout cas, ouais, bref, pour m'habituer. Mais tout ça pour dire, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une version en rediffusion sur les ondes de puissance maximale ou ça va être exclusif à Twitch? Il va y avoir Twitch, ça va être mis sur YouTube. On peut aussi avoir, ça faudrait que je trouve comment faire, par exemple, mettre juste le vocal puis mettre ça en rediffusion sur... c'est très facile, en fait. Si tu as le fichier vidéo, tu peux carrément le dropper dans Audacity, puis il va t'extraire la trame MP3. Ah, OK. Bon, fait qu'après ça, tu peux faire ton montage, puis après ça, tu peux l'extraire. Puis j'ai fait une belle petite FAQ sur, un petit step-by-step sur comment uploader l'émission sur le système. Fait que, comme ça, on pourrait mettre l'émission en rediffusion. Tu pourrais garder ton exclusivité du direct sur ton Twitch, mais on pourrait te fixer une plage horaire dans le dans la semaine où tu pourrais mettre en rediffusion ton podcast. Oui, puis justement, fait que oui, ça serait quelque chose de faisable, donc on aurait un différé sur la web radio. Et comme on a parlé un petit peu dans l'émission aussi, je continuerai la capsule sur Puissance Nano les dimanches. Là, la journée pour le podcast, on ne le sait pas encore. Ça, soit un mardi ou un mercredi. Avant, on était au dimanche aux deux semaines. Mais là, ça va être le mardi ou mercredi, mais on ne sait pas à quel intervalle. Est-ce que ça va être à toutes les semaines ou toutes les deux semaines? On ne le sait pas encore. Ça va être fait avec aussi Marie-Pierre Caron. Donc, on va se faire une planification de tout ça. On va discuter comment est-ce qu'on va arranger ça. Donc, quand même pas mal de trucs à ce niveau-là pour le podcast 2.0. On a beaucoup d'idées à mettre sur la table, beaucoup de choses à discuter, brainstorming puis tout là. Donc on va voir où ce que ça va aller avec tout ça, puis on va revenir sur en les force. Twitch. Ouais. Puis là d'ailleurs, je te permets même de faire un shameless plug. La fin 2016 et début 2017 a même été ton grand retour sur les sphères Twitch. Oui, j'ai recommencé, je me souviens même plus. Je pense que c'était octobre ou novembre. J'avais pris une bonne pause. Bon, il y en a qui savaient que depuis début, dans le fond, février 2016, j'étais rendu sur Hitbox. Après ça, j'ai pris une pause de 4 mois. Bon, j'étais en séparation ou tout ça, fait que j'avais pris une pause de 4 mois. Ben, il faut le faire, ça, des fois. Hein? On n'a pas le choix. Ouais, ça fait du bien. Tu sais, à un moment donné, là, tu fais comme, faut se remettre un peu aussi dans notre vie personnelle. Et puis, suite à ça, on a décidé de recommencer. Il me semble que c'était en août. J'avais donné une date, puis on avait recommencé de à cette date-là. Et puis depuis ce temps-là, j'ai repris mon horaire régulier les lundis, mercredis. Mais au lieu de commencer à 7h jusqu'à 11h le soir, je fais du 9 à 11. Un petit stream de 2h pour le fun. Tu sais, ça fait moins long, puis je trouve que 2h, c'est bien dosé comme longueur de stream. Non, effectivement. Puis qui sait, peut-être qu'un jour, Andrew pourra twitcher en même temps que Atomic, un jeu commun, qui sait. Certainement, d'ailleurs, on a Overwatch qu'on est supposé de jouer éventuellement. Ben oui, ça fait plusieurs fois que je me dis, ah, tel moment, je vais publiciser ça, je vais relancer ça, mais à toutes les fois, je tombe sur une semaine où j'ai de la garde. Ouais. Puis personnellement, quand t'es sur appel, twitcher en même temps, c'est pas yob. Non, effectivement. Par expérience, d'ailleurs. Notre première émission, c'était ça. Ben, c'est ça, là, fait que... c'est pas évident, t'sais. Non, c'est pas toujours évident. Fait que c'est ça, la game, le podcast, des gros champs que ça revienne. C'est juste des petites spécificités, des petits trucs à régler avant, des setups, on va avoir un fond vert, tout. On fait quelque chose à clean cut tout de suite en partant. Fait que ça va être hot. Surveillez aussi la page Facebook. Tous les articles sont là. Page Facebook de la game. Sur Twitter, suivez-nous. Oui, puis également, tu les partages bien des fois également là, sur la page de Puissance Maximale. Là. Donc, vous pouvez les voir sur la page de Puissance Maximale. C'est bien. Vous pouvez faire un j'aime là si vous voulez. Mais c'est bien important d'aller aimer la page de la game. Oui. C'est d'où l'objectif. Puis, ça, sur le site lagame.ca aussi, vous pouvez suivre. C'est comme un abonnement avec votre adresse courriel. Fait qu'aussitôt qu'il y a un nouvel article, vous êtes avisé. Fait que c'est ça. Bon, ben. On a des choses qui s'en viennent pour la game. Faut juste mettre ça en branle. Ben parfait, c'est ça qu'il faut. Sinon, Carl, est-ce que tu as certains éléments d'actualité que tu aimerais discuter avec nous? Oui, il y a des choses qui ont sorti cette semaine en fait. Je vais juste retrouver mes trucs. Justement sur Overwatch, il y a eu beaucoup de choses. 2017 pour Overwatch va être une grosse année. Ceux-là qui suivent ça un peu là, beaucoup de nouveaux personnages, nouvelles maps. Il y a d'ailleurs Doomfist qui sont en train de travailler. Je veux que ce soit doublé par Terry Crew. Oui, il y en a qui disent ça va être fait par lui, nanana. Non, c'est pas fait par lui, c'est en rumeur. La communauté veut que ce soit lui. Lui veut que ça soit lui, mais Blizzard n'a pas encore confirmé qui ça va être. Non, mais il faut. Oui, oui. Ça serait vraiment le fun que ce soit lui. Mais c'est encore en stade rumeur. Donc ça reste à suivre. Il y a ceux-là qui connaissent le personnage de May dans Overwatch. Il y a un glitch qui se fait avec son wall. Okay. Et ce glitch-là, dans le fond, c'est un exploit dans le jeu. Et Blizzard va faire une vague de ban pour ceux qui n'ont abusé de ça. Parce que n'importe quel jeu, ben, quand on utilise des exploits, à un moment donné, tu fais comme, ben, regarde, t'as abusé, t'es pas correct, t'as pas suivi les règlements pour lesquels que t'as signé, entre guillemets, lors de l'achat de la licence du jeu. Fait que c'est toutes des choses qui vont être à regarder. Il va y avoir une vague de ban à ce niveau-là, malheureusement, pour ceux qui vont en avoir abusé. Il y a Mass Effect 2, pour ceux qui ont Origine. Mass Effect 2 qui est gratuit présentement. Normalement, ah oui, c'est vrai, il fallait que j'aille le réclamer. Merci, ouais, moi aussi. Merci de me le faire rappeler. Fait que, il y a ce jeu-là qui est gratuit. Une très bonne franchise que j'ai pas encore eu la chance de jouer. Mais éventuellement, ça va être dans ma liste. C'est Mass Effect est le jeu qui me déchire intérieurement au niveau de mon sentiment. J'ai essayé de jouer à Mass Effect 1. J'enlève rien du tout au jeu, en fait. Là. C'est un jeu avec une très bonne mécanique. L'histoire est vraiment ça à coche. Mais il y a de quoi dans Mass Effect à chaque fois que j'essaie d'embarquer dedans que je suis pas capable d'embarquer. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Puis tout le monde me dit, ah, mais tu sais, c'est joué, tu as-tu donné une chance? J'ai dit, oui, mais je suis habitué aux jeux de BioWare, tu sais, qui ont un déclenchement lent, tu sais, puis, tu sais, comme Cotard, on s'entend que c'était pas le jeu qui débarrait le plus vite non plus dans l'action, là. Ouais. Fait que, tu sais, je suis habitué à ce genre de mécanique-là, mais Mass Effect, il y a toujours eu de quoi qui m'a accroché. Puis là, le monde, il disait, ouais, mais tu vas voir, le 2, il est meilleur, mais c'est à cause que tu peux pas vraiment commencer avec le 2, tu sais, il faut que tu ailles jouer au 1. Ouais, faut que tu commences avec le 1. Puis le 1, je suis pas capable d'en marquer dedans, ça me fait vraiment suer. Mais c'est ça, il y a ce jeu-là qui est gratuit. D'ailleurs, ça mène à le prochain, la prochaine trilogie, en fait, de Mass Effect, qui va être Mass Effect Andromeda pour la première, le premier opus de cette trilogie-là. J'ai bien hâte de voir, il y a quand même pas mal de trucs qui ont passé là-dessus. Là, il n'y a pas eu d'article. J'ai partagé justement quelques affaires à ce niveau-là sur la page Facebook de la game. Ça, c'est un des gros jeux que j'attends pour 2017. D'ailleurs, on va en parler tantôt des jeux qu'on attend. Ça, c'est un de ceux que j'attends. Les autres nouvelles qu'il y a eu, GeForce Experience permet maintenant le streaming sur Facebook directement. Oui, j'ai vu ça popper dans ma mise à jour, justement. Ouais. Je dois avouer, par exemple, il y a beaucoup de monde qui sont pas tripeux là, des mises à jour régulières là, que Nvidia fait. Là. Et moi, personnellement, là, je trouve que sérieusement, Nvidia sont vraiment sur la coche là, depuis un bout. Là. Oui. Ils ont un point négatif que je vais parler tantôt, puis ça, je trouve ça. C'est bon, mais je trouve ça excessif. Mais en tout cas, je m'expliquerai tantôt quand je parlerai de cette nouvelle. Peut-être pas parler là, si tu veux. Oui, bien, ça a sorti aussi cette semaine. C'est un nouveau service que Nvidia offre. C'est le GeForce Now. C'est un service de jeu en ligne cloud. Le principe qu'ils utilisent, c'est que mettons que tu n'as pas la machine pour runner le jeu, tu te connectes à ça, puis eux autres dans le cloud, ils ont une 1080, puis tu sais, ils ont la machine dans le cloud pour que tu puisses runner le jeu. Fait que tu sois sur Mac ou sur PC, tu vas pouvoir le runner le jeu sans problème. C'est sûr que si tu joues à un jeu multiplayer, tu es dans le cloud. On s'entend que tu vas avoir un délai, on s'entend que tu vas avoir des lags, tu sais. Pour un jeu solo, c'est tel que tel. Mais pour un jeu multiplayer, je suis pas sûr du rendu que ça va donner. Il y a aussi le coût que je trouve vraiment abusif. C'est 25$ pour une dizaine d'heures de jeu, entre 10 et 20 heures de jeu. C'est quand même à peu près 2 piastres et demi dollars pour jouer à un jeu. Ah, effectivement. La carte, je prends juste la 1080, le prix de la 1080. Elle était aux alentours des 750$, entre 750 et 800. Je veux dire, ramassez votre argent puis upgradez votre ordi rendu là. C'est très cher payé pour le service. L'idée est très bonne. L'idée est excellente, mais c'est très cher payé pour le service. Je veux dire, calculez ça comme vous voulez. C'est pas long que vous retombez dans votre argent en économisant pour acheter de la carte vidéo. Mais ça, c'est un avis personnel. Il y en a qui vont aimer le service, puis ils vont y aller avec ça, puis ils vont être bien satisfaits. Il y en a d'autres qui vont préférer économiser pour justement aller s'acheter la carte vidéo. Moi, la question que ça me soulève, c'est la consommation sur Internet que ça prend. Parce que oui, aussi, moi, j'ai Internet illimité, mais on s'entend que c'est pas tout le monde encore qui l'ont, là. Non. C'est, chaque année, une couple qui vont se faire pincer avec ça, là. Ouais. C'est moi aussi, j'allais, mais encore là, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui ont ça, c'est... Mais... L'Internet illimité, ça va devenir... Le CRTC a embarqué là-dedans, là, puis c'est supposé de devenir un obligatoire dans les services. Que les, ouais, mais... CRTC... Ouais, j'ai hâte de voir, en tout cas. Ouais, en tout cas. historiquement, là, quand le CRTC a mis son nez dans des affaires, ça a pas bien fini, généralement. Fait que... C'est ça. Puis, au niveau Internet... CRTC, c'est plus radio, câble, distribution. Au niveau Internet, ils ont... On dirait qu'ils ne comprennent pas comment ça marche. C'est ça. Autre nouvelle, le remake de Diablo dans Diablo 3, que plusieurs personnes ont entendu parler lors du BlizzCon cette année et un peu avant. Ça a décollé vendredi cette semaine, dans le fond, vendredi passé. Ça, c'est disponible pour un mois. Ça a commencé en même temps que la saison 8, je crois. Je pense qu'on est rendu à la saison 8 de Diablo 3. Ça a commencé dans les mêmes temps. Il y a eu une grosse mise à jour, d'ailleurs, au nouveau Diablo 3. Maintenant, il prend le DirectX 11 et tu as le client 64 bits. Donc, le jeu était déjà beau à la base, mais en 64 bits et avec DirectX 11, le jeu est une coche au-dessus. Là. Vraiment, côté graphique, c'est une coche au-dessus. Beaucoup plus fluide, moins... Des fois, on avait des lags un petit peu, mais là, ça va être beaucoup amélioré à ce niveau-là. Donc, ça va être à surveiller. Oui, oui. Donc, au niveau... peut-être une petite dernière aussi, tant que... Ouais, donc Overwatch. On parle de nos jeux anticipés. Ouais, ben, Overwatch, il va y avoir aussi d'autres nerfs. Il y a Diva qui va passer dans le lot, là. Ouais, Diva va passer dans le lot. Rodog, son hook, qui va passer dans le lot. Fait qu'il y en a qui vont brailler, mais je te dirais que c'est une bonne chose parce que c'était rendu abusif pas mal. Ben, personnellement, je joue avec Diva là, quand même régulièrement. Là. Puis, je suis pas déçu en fait qu'il change la répartition des points de vie entre l'armure et Diva elle-même. Là. Ouais. Parce que... C'est une bonne idée, parce que... Ben, autant qu'elle était tough à canter quand elle était dans son armure, autant que c'était hyper facile de la descendre quand elle était à l'extérieur. Je comprends que c'est un peu ça le principe, que t'es, faut pas qu'elle soit trop dure. Mais un juste milieu... Ouais, ça prend un juste... T'es à 150 points de vie, à peu près. Tu sais, mettons, ta monte à 200, ça va déjà être pas pire. La moyenne, c'est 200 environ pour les points de vie des personnages. Fait que c'est quand même plus acceptable. Ouais, ben, tu sais, c'est à cause que l'affaire qui arrivait, c'est que, tu sais, il faisait en sorte que tu rechargeais l'armure plus vite en tirant sur les gens. Ouais. Sauf que c'était vraiment un putain de gamble, parce que, tu sais, juste un coup de gun de Reaper, c'était fini, là. Ah, ben, c'est ça, tu meurs easy, là, au bout, là. Ben, c'est ça, mais, tu sais, à un moment donné, t'es là, puis tu fais comme, ok, c'est à cause que. Tu ça finissait que tu courais, t'allais quasiment te cacher parce que tu voulais pas te faire pogner, tu sais. Puis une fois de temps en temps, tu faisais ton sneaky bastard, tu tirais dans le dos, mais tu sais, un personnage un petit peu plus... T'sais, vous allez me dire, c'est juste 50 points de vie, là, mais tu sais, ça fait une différence, ça. Ça fait une différence que si tu te manges un coup de gun dans la face, au moins t'as ton 50 points de vie pour te désacrer ton cadeau de là. C'est ça, ça fait une énorme différence. Il y a des rumeurs encore, c'est pas encore validé. La Nintendo Switch serait disponible en précommande à partir du 13 janvier. Ça a été publié sur My Nintendo News, qui est habituellement assez fiable comme site. Oui, effectivement, je connais ce site-là, puis généralement, ils se trompent pas ben. Quand ils sont pas pile-poil dessus, là, c'est... Ils sont proches. Ils sont pas loin, là. C'est ça. Fait que, en théorie, en rumeur, 13 janvier, aux alentours du 13 janvier pour la Nintendo Switch en précommande. Mais justement, ça va être ça va se parler justement dans l'événement de Nintendo Switch qui va avoir prochainement. C'est, ça va être là, d'après moi, qu'ils vont donner plus d'infos à ce niveau-là. Ouais, mais tu sais, on se fie au Nintendo Direct qu'ils faisaient pour des consoles. Là, à mon avis, la pré-vente va commencer tout de suite après. Là. C'est ça. Ou le lendemain, là. C'est... Parce que me semble que l'événement est justement le 13 janvier pour... Ouais, ben, il me semble que c'est dans ce coin-là. C'est pas le 13, c'est le 12, là, ou le 14. Ouais, quelque chose du genre, là. Mais je sais que au moment où le Nintendo Direct va terminer, il va y avoir déjà des consoles en essai au Japon. Ça avait déjà été parlé. Okay. Je serais pas surpris là. Même en Europe aussi là, il va y avoir également là, des Nintendo Switch en essai là. Il n'y a rien qui a été circulé là, au niveau du Canada encore là. Mais je serais pas surpris là, qu'on ait des infos là, comme de quoi que Nintendo font leur traditionnelle tournée dans les Best Buy là. Ils font tout le temps ça là. T'es comme la Wii U, ils avaient fait ça là. Fait que je serais pas surpris là, qu'ils fassent la même chose au Canada là. Non, ça, c'est... des choses comme ça. C'est sûr que ça serait le fun qu'il y ait un petit peu plus des trucs dans le genre, justement, de... Tu sais, gars comme là, ils font comme des bêtas, si on veut, au Japon, en Europe. Au Canada, c'est rare qu'on ait des affaires comme ça, là. Ben, pas tant, en fait. C'est à cause qu'ils se rendent pas à Québec. Ouais. Ils se font à Toronto, puis ils vont à Montréal. Mais ils se rendent pas à Québec, là. C'est... Là, je suis pas pire, là, je me suis rapproché de la zone métropolitaine. Enfin, je fais de bon pour y aller. Dans le fond, j'ai déménagé juste pour un move stratégique, là. C'est pas parce que j'en avais envie. Non, c'est... Mais bref, ça fait le tour pas mal là, au niveau de nouvelles et ce que je voulais parler au niveau de la game. C'est sûr que j'ai pas... D'habitude, on a plus de contenu que ça, mais quand même pas pire de stock pareil. Là. Non, quand même. Puis là, en plus, ça va nous laisser un petit peu de temps pour les jeux ou événements anticipés pour 2017. Ouais. Je vais juste regarder mon timestamp. On est rendu à combien? Ben écoute, on a à peu près 20 minutes de fait. Fait que, à mon avis, on en a encore pour un petit 10 minutes, 10-15 minutes, puis on va avoir déjà notre wrap-up. Donc en fait, au niveau des choses anticipées, Carl, si tu me permets, moi je vais commencer rapido puisqu'on vient de parler avec toi. Écoute, un jeu qui s'en vient très prochainement, que j'ai très hâte, que mon édition collectionneur est même déjà commandée. Un jeu pas connu de tous, mais quand même populaire, et je vais citer Persona 5. Ouais. Très grand fan de la série RPG Persona. Je suis content qu'il ait décidé de sortir le 5 parce qu'il faut savoir que Persona, c'était une des séries de RPG qui était absente de la PlayStation 3. Il y a eu un jeu de combat. Il y a eu des versions remasterisées, mais il n'y a pas eu sa version. Il n'y a pas eu son Persona propre à lui sur la PlayStation 3. Donc le 5. Va être un personnage sorti pour la PlayStation 4, donc qui a été prévu pour la 4, qui va être downgradé graphiquement pour la 3 si les gens n'ont pas encore switché à la PlayStation 4. Écoute, j'ai vu les bandes annonces, les graphiques sont très beaux. On semble retourner vers une mécanique de Persona 3, parce que beaucoup de gens pourront me juger et me traiter de blasphémateur, mais moi personnellement, j'ai mieux aimé Persona 3 que le 4 au niveau de l'ambiance et de l'élément graphique. Donc Persona 5, on va retourner vraiment dans ce moule-là, école, vivre la vie étudiante, un monde obscur la nuit. Et il n'y aura pas autant de références télévisuelles que qu'est-ce qu'on a vu dans le Persona 4, parce que Persona 4 était très coloré malgré les éléments nocturnes, parce que c'était très référence TV, casino, jeu. Puis ça, c'est un élément graphique qui m'a moins accroché personnellement. Donc j'ai vraiment vraiment hâte que Persona 5 sorte. Il est attendu pour le 4 avril. Comme j'ai dit, moi il est commandé, j'attends qu'il arrive pour y jouer, donc j'ai vraiment très très hâte là-dessus. Donc, c'est un de mes jeux là, que j'ai dans ma mire depuis un bon moment. Sinon, autre jeu qui me met très curieux, que j'ai hâte de voir, c'est Halo Wars 2. Très grand fan de RTS de mon côté. J'aime beaucoup le lore de Halo. Et j'avais beaucoup aimé Halo Wars 1, qui avait été sorti sur Xbox 360. Malheureusement, étant puriste du RTS, j'ai eu de la misère un peu à embarquer dans les contrôles, à cause que moi, ça me prenait une souris puis un clavier, et non pas une manette pour jouer efficacement un RTS. Donc, je suis bien content que Halo Wars 2 arrive sur Xbox One avec le système Passport, qui fait en sorte qu'il va être disponible sur Windows 10. Également, une version remasterisée de Halo Wars 1 va être avec, au niveau, là, ben, dans la version collectionneur du jeu. Donc, va être possible de jouer à Halo Wars 1 sur Windows 10. Donc, je vais pouvoir me retaper ce jeu avec des contrôles qui me plaît. Donc, j'ai quand même hâte de jouer. Et ça aussi, c'est un des jeux que j'attends énormément. Sinon, toi, est-ce que tu veux en mentionner un, M. Carl? Moi, dans ceux que j'attends, bon, il y a Mass Effect Andromeda qu'on a parlé tantôt, que j'attends. J'ai vraiment hâte de voir. D'ailleurs, le protagoniste, c'est carrément une autre histoire qu'ils vont faire dans la série. Il y a Resident Evil 7, que j'ai hâte qu'ils reviennent plus aux sources. Ouais, qui sort le 24 janvier. Ouais, ça, j'ai vraiment hâte. Les Resident Evil, j'ai comme décroché à partir du 4 ou 5. D'ailleurs, un petit clin d'œil, je sais pas si t'as remarqué, là, mais j'ai bien aimé ça. Tu sais que Resident Evil au Japon s'appelle Biohazard? Oui, oui. Ben, Resident Evil, c'est le premier Resident Evil américain où il y a le sous-titre Biohazard. Ah ouais? Ouais, dans les trailers, quand t'écoutes les trailers, ils écrivent Resident Evil, puis en dessous, ils mettent le titre Biohazard. Ouais, ça j'avais vu, mais je savais pas que... Il était pas mentionné dans les autres qui s'appelaient Biohazard au Japon. Fait que, à mon avis, c'est un petit clin d'œil pour vraiment dire que c'est un reboot. Là, parce que Resident Evil, le 7, faut savoir qu'il y a très peu de références aux personnages qu'on connaît déjà. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment un retour aux sources, mais avec une nouvelle mécanique. Là, donc, ça va être un titre à surveiller, effectivement. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai vu quelques gameplays avec les démos. Puis ça va être intéressant. Il va être disponible PC, PS4 et Xbox One. Oui, puis d'ailleurs, ça va être sûrement surveillé aussi pour l'expérience avec le PlayStation VR. Je vois quelque chose. Malheureusement, moi, je l'ai essayé le VR. J'ai du motion sickness. Fait que c'est pas une technologie qui, malheureusement, est compatible avec moi. Donc, je ne pourrais pas expérimenter Resident Evil 7 dans son intégralité en réalité virtuelle. Mais j'ai plein d'amis ici qui en ont des casques de réalité virtuelle. Fait qu'au moins, je vais pouvoir, une fois de temps en temps, me plonger dans ces expériences de jeu-là. Mais Sony ne trouvera pas propriétaire en ma personne de cette technologie. Malheureusement. On pourra l'essayer au moins de temps en temps jusqu'au temps que tu tombes avec ton sickness. Ouais, ben c'est ça. Non, c'est assez intense. J'avais essayé un jeu de Gran Turismo avec. OK. Puis vraiment là, puis pas besoin de bouger. Hein, le char pouvait rester parfaitement immobile. Puis à un moment donné, je me sens étourdi, puis le mal de cœur embarque. C'est, ouais, mais c'est un peu comme la technologie 3D quand ça a commencé au début. Le monde, tu sais, le cerveau, il n'est pas fait pour ça en soi. Fait que le temps qu'il s'habitue, ça crée des malaises. Ben comme moi, le 3D, j'ai eu aucun problème. Ouais, ben c'est ça. Moi non plus. Mais tu sais, il y en a qui ont des maux de tête, il y en a qui ont des maux de cœur. Ben en fait, j'avais aucun problème. Maintenant que j'ai eu ma chirurgie, c'est une autre histoire. C'est arrivé à ce moment-là. Ben, en fait, c'est pas de la sickness ou quoi que ce soit. C'est juste parce que ça peut prendre jusqu'à un an avant que ton œil se replace après une chirurgie au laser. Fait que quand tu mets des lunettes 3D pour les films, des choses comme ça, ou quand tu regardes une 3DS, exemple, tes yeux se ramassent à faire une opération qu'ils sont pas naturellement supposés de faire pour justement simuler le 3D. Et moi, ça me crée de la douleur au niveau de mes yeux actuellement. Mais c'est un comportement normal, donc ça devrait disparaître. Là, mais c'est pas agréable. Non, c'est sûr que c'est pas le fun. J'ai pas essayé le VR, fait que je peux pas dire est-ce que j'ai ce truc-là. J'ai ce malaise-là aussi, je sais pas. Ben écoute, si tu descends dans mon coin à un moment donné, Carl, je prendrai rendez-vous avec un de mes amis et on te le fera essayer. Parfait, parfait. On va faire ça. Sinon, est-ce qu'il y a un autre jeu? Oui, l'autre jeu que j'attends, c'est sûr que là, je sais pas encore si je vais acheter la Nintendo Switch. Je vais peut-être me trouver quelqu'un pour l'essayer parce que j'ai plus de Wii U, je me suis départi de ma Wii U. Legend of Zelda Breath of the Wild. Ah ben j'ai bien sûr, bien sûr. Oh, à ce jeu-là qui va être disponible sur Wii U et la Switch. Écoute, ce jeu-là, à lui tout seul, même s'il y a une version Wii U, me donne envie d'acheter une Switch. Parce que je veux jouer à ce jeu-là on the go. Ah, c'est clair que ça va être le gros avantage de la Switch. Sauf que c'est la résolution de l'écran, la durée de la batterie que j'ai un doute là-dessus à ce niveau-là, par contre. Ouais, mais je joue jamais longtemps sur mes consoles portables. Fait que moi, la durée de vie de la batterie n'est pas tant un enjeu. Okay. Si tu me donnes une durée de vie à peu près équivalente à une Samsung Galaxy Tab S, qui est ce qui n'est pas très long d'ailleurs, si tu es en utilisation active dessus, ça va me satisfaire pleinement. Bon. C'est pas pire. J'ai jamais eu de console portable. Je suis pas capable. ça m'attire pas. mais je suis bien curieux de voir le fonctionnement de la Switch. Oui. À date, d'ailleurs, c'est une autre de mes anticipations pour l'année 2017, la Nintendo Switch, on se le cachera pas, là. Moi, personnellement, quand j'ai vu la bande-annonce, quand j'ai vu le démo que Régis Fils-Aimé avait fait au Jimmy Fallon Show, ça m'a complètement séduit. Personnellement, je suis totalement vendu au concept de la Nintendo Switch. Et j'aime bien, en fait, tu sais, comme la Wii U, elle a pas eu un succès, mais Wii U, c'est pas ma console que je joue le plus. Ben, j'aime le concept de la Wii U, je suis content de l'avoir. Puis j'y joue une fois de temps en temps, puis je suis bien content, là. Comme la même chose pour ma 3DS, tu sais, Nintendo a une position dans mon cœur au niveau de joueur que, tu sais, c'est pas ma console favorite, mais j'aime avoir ces consoles-là parce que ça vient me chercher ma petite fibre nostalgique de jeune joueur, tu sais, si tu me permets. Et le concept de la Switch qui me permettait d'avoir une console de salon qui avait quand même un très bon rendement et on the go, pouvoir la décrocher puis pouvoir continuer à jouer dans l'auto ou au parc ou whatever, ça m'a complètement séduit. La seule chose présentement qui me met un frein dessus, c'est que la question que je me pose, et j'en ai souvent parlé à l'émission, est-ce que Nintendo se rend compte du potentiel de la console qu'ils ont entre leurs mains? Puis est-ce qu'ils vont l'exploiter comme faut? Et malheureusement, Nintendo n'a pas une très bonne histoire dans le fait non. de bien exploiter des bons concepts. On regarde la Wii qui a fait un carton incroyable, mais quelle librairie de jeux de marde! Il y a des bons jeux, mais tu sais, tout ce qui est tierce party, là, les jeux d'éditeurs tierces, il y a de la scrap, mais de la scrap! Ouais. La Wii U avait un gros potentiel, puis ils l'ont vu avec Zelda, justement, le prochain Legend of Zelda. Fait que ils ont fait comme « Wow, on va retarder la sortie pour pousser encore plus la machine, tu sais. » Mais encore là, même les développeurs, il y en a qui ont abandonné carrément la Wii U. La Wii U, je me rappelle, à la conférence de E3, il est arrivé, il avait dit « Ah, c'est le retour du hardcore gaming sur notre console. » Finalement, les jeux qu'ils ont montré dans leur clip de Hardcore Gaming, c'est les seuls jeux qu'on a eu. Mais tu sais, Dieu sait, par exemple, Bayonetta 2, quel excellent jeu, ça, j'adore ce jeu-là. Mais tu sais, Nintendo ont vraiment un gros problème avec la relation avec les éditeurs tierces. Vers la fin de la Wii U, ça a été moins pire. T'sais, on a eu quand même quelques bons titres de studios tierces, mais épaulés par Nintendo, là. Donc, tu sais, ça a quand même été bien. Sauf que là, tu sais, la Switch a un très, très grand potentiel parce que ils mettent beaucoup d'emphase sur le multijoueur, la mobilité de la console. Puis, ils ont même poussé le cran plus loin en mettant le e-sport. On s'entend que ça arrivera pas, là, que Splatoon va être e-sport. Mais ils ont quand même poussé à ce point-là. Fait que, tu sais, ils essayent de vendre une infrastructure en ligne solide. Mm-hmm. Ils essayent de vendre la possibilité d'être compétitif, puis tu sais que ça va être un bon ajout à un party pour faire du party game on the go. Pour le party game on the go, j'ai aucun doute qu'ils vont être capables d'exploiter ça avec les jeux de Nintendo eux-mêmes, là, t'sais, comme Mario Party sur la Switch. On s'entend qu'ils vont pouvoir sortir des choses vraiment très intéressantes avec ça. Ah, c'est clair. J'ai hâte de voir le prochain Mario Kart aussi qu'ils vont sortir dessus, là. Exactement, puis tu sais, toutes ces choses-là, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais, écoute, moi, je veux, avec ma Switch, que si je veux jouer en ligne, que je sois capable de facilement la hooker sur mon téléphone en ligne, que ça me consomme un minimum d'informations. T'sais, je veux que Nintendo exploite ça. Parce que ils ont mis beaucoup l'avant Splatoon, et Splatoon, on s'entend que c'est pas du local multiplayer qui est le vendeur avec Splatoon, là. C'est le jeu en ligne. Et il faut que cette console-là ait une connectivité solide et qu'on soit facilement capable on the go de la mettre en ligne. C'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Et aussi, Nintendo, il faut qu'ils ouvrent aussi le crossplay. Ils ont l'argent. Faites-moi pas croire qu'ils sont pas capables d'investir pour dire « Regarde, bizarre, je veux une version d'Overwatch sur ma Switch puis je veux être capable de jouer avec d'autres joueurs qui sont pas forcément sur la Switch. » Ah, c'est clair. T'sais, je veux pouvoir jouer, mettons, Overwatch sur mon ordi. Puis là, je vais aller jouer dans mon salon, je veux partir Overwatch sur ma TV avec la Switch pour pouvoir y jouer. Mm-hmm. Puis je veux, à partir que j'ai à me déplacer en auto, puis je veux continuer à jouer. Parce qu'on s'entend à ce temps avec les manettes, là. Il y a du monde qui sont capables de jouer à des first-person shooters aussi efficacement avec une manette qu'avec un clavier et une souris, là. On se le cache ouais, pas. Oui, il y en a. Moi, je suis probable, mais il y en a. Ben, nous autres, c'est quoi, on est des puristes. Mais tu sais, il y en ouais. a qui ont joué à des jeux de tir uniquement sur la Xbox puis sur la PS4. Il y en a qui sont assez solides, là. Le principe que tu vois même des compétitions, des fois, de jeux où il y a du monde qui joue carrément avec une manette, là, tu sais. Fait que, tu sais, je veux pouvoir faire ça. Puis, tu sais, qui a l'argent actuellement pour déplier puis dire à Blizzard ton serveur, là, parce qu'on se cachera pas, là. Tu joues, mettons, avec la PS4 ou la Xbox One Overwatch, c'est le même serveur que le PC qui est le roi derrière, là. C'est juste qu'ils mettent des limitations pour dire « Ah, toi, t'es Xbox, tu vas sur tel game. Toi, t'es PC, tu vas sur tel game. Et toi, t'es sur PS4, tu vas sur tel game. » Ben, c'est la même machine en arrière, là. On se le cachera pas, là. C'est ça. Mais, tu sais, moi, je veux qu'une compagnie comme Nintendo mette ses culottes puis fasse tomber ces frontières-là, puis que justement que la Switch soit le porte-étendard de ça pour dire « Regarde, maintenant tu peux jouer on the go à ton jeu. » Puis le Nvidia Shield a tenté de faire ça, mais ça n'a pas marché parce que c'était non. très cher. Puis c'est Nvidia, ça. Ben c'est Nvidia. Un peu le même principe que GeForce Now que tu parlais tantôt. Là. Ouais. Mais tu sais, Nintendo ont ce potentiel-là, là. C'est la machine qu'ils ont, c'est potentiel. Ça. Ils ont beaucoup de potentiel, mais ils sont tellement conservateurs, ils sont tellement. Comment je pourrais dire ça? T'sais, ils ont pas peur de la compétition, mais peur de se faire copier, si on peut dire ça comme ça. ils ont de la misère à s'ouvrir vraiment. Des fois, ils développent des choses qui ont vraiment un gros potentiel, mais ils ne réalisent pas le potentiel. Ils font comment, regarde, on va être capable de faire ça avec. Ça va être correct. Justement, il faudrait qu'avec. Ils veulent un renouveau, ils veulent remonter parce que la Wii U, on s'entend que ça a creusé un gouffre un peu. Là, on ne rentre pas dans la rengaine de ah, c'est la dernière console. Non, Nintendo ont tellement d'argent dans leur coffre, ça prend des années et même des années de déficit. De plusieurs millions de dollars pour dire que Nintendo va être un état critique à un moment donné pour dire « Oh, OK, on arrête les consoles. » Puis je vous dirais actuellement, le marché de la console mobile de Nintendo est tellement fort que ça couvre amplement là, l'échec de la Wii U. Là. Fait que c'est pas... Puis en plus, ils se lancent dans les jeux mobiles. Puis t'sais, on se le cachera pas, là, Mario Run puis Pokémon Go, ça a fait rentrer bien en masse d'argent dans les coffres de Nintendo, là. Ça c'est pas un problème. Ah ouais, c'était fou, rien que Pokémon Go, c'était malade ce jeu-là quand ça a sorti. Là. T'sais, ça profitait à Niantic, là. C'est sûr c'est Niantic Game que le jeu, mais t'sais, c'est qui les a mandatés? C'est The Pokémon Company, puis The Pokémon Company appartient à qui? À Big N, donc à Nintendo. Ah ouais. Donc t'sais, on se le cachera pas, là. Oui, Niantic, on fait de l'argent avec ça, avec la microtransaction, mais il y en a... Je suis pas mal convaincu que dans le contrat, il y a un pourcentage qui sort dans Nintendo. Ah, t'sais. Ça c'est clair. C'est certain qu'ils ont pris une petite clause là, pour avoir une cote là-dessus. Là. Nintendo, c'est pas parce que la Wii U a pas marché autant qu'ils voulaient que Nintendo sont en marde puis ils vont arrêter de vendre des consoles. Là. T'sais, même la Switch, ça ferait un flop total. Nintendo ferait comme « Bon, ben, on va essayer autre chose. » Ben, Nintendo a toujours été le porte-étendard de l'expérimentation. Ils ont une console portable qui fonctionne bien. Fait que leur console de salon, ils ont toujours essayé d'innover, d'emmener des nouvelles mécaniques. Regardez la Wii, ça a apporté le PlayStation Move, ça a apporté la Kinect. Après ça, la Wii U, ben, veut pas, ça a influencé la PS Vita. T'es que vous aimez bien que vous aimez pas ça, c'est vrai, c'est un fait, là. On se le cachera pas, là. Fait que, donc, t'sais, ça a influencé la PS Vita au niveau de l'interaction avec la PS4, que t'sais, tu peux jouer à tes jeux sur ta PS Vita, la surface tactile en arrière, l'écran tactile sur le dessus. T'sais, la PS Vita, on s'entend que c'est le Wii U controller de la PS4, là, on s'entend, là. Fait que là, t'sais, ouais. T'as ça. Là, après ça, t'as la Switch qui s'en vient. Puis justement, ça coûte si Nintendo sont trop protecteurs de leurs affaires, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir un Sony ou un Microsoft qui va arriver, qui va dire « Ah, crime, c'est une bonne idée, je vais faire semblant, puis moi, je vais l'investir, l'argent pour ouvrir ça. » C'est ça. Parce qu'on se le cachera pas, là, c'est ça qui va arriver, là, si Nintendo fait pas ça. Là. Ah, non, puis ça arrive. Ils peuvent, ça a déjà arrivé dans le passé, ils se font couper l'herbe sous le pied à cause de des affaires comme ça. T'sais. Fait que il faut que Nintendo, les nouvelles consoles sont pas à veille d'arriver. Là. C'est Nintendo qui arrive avec une nouvelle console. Ouais. C'est le moment là, que Nintendo frappe fort. Puis on a vu les articles, là. Nintendo sont supportés par ben des studios tiers. Ce coup-ci, oh, oui. Il y en a vraiment une trollée. Je viens de nommer des plus gros. Là. Bethesda qui les supporte. Ubisoft les supportait aussi. Il y a EA, il me semble, aussi, qui était là. EA aussi, oui. c'est quand même... C'est pas rien, là. C'est quand même des gros... Et bien sûr, gros Sega, sports. Là. Maintenant, on sait que Sega et Nintendo, ça tient main par la main. Ouais. Ben, c'est parce que Sega, tu sais, ils sont comme tués eux-mêmes, si on peut dire ça de même. Mais sérieusement, là, Sega, j'étais un Sega fanboy. J'ai eu vraiment beaucoup de la peine quand ils se sont tués avec le marché de la console. Puis, tu sais, la Dreamcast, même encore aujourd'hui, est une excellente console. T'en regardes au point de vue technique. Il y a des très, très bons jeux là-dessus. Là. Ben, pas juste ça. T'sais, en fait, graphiquement, là, tu mettrais un port HDMI là, sur... T'sais, en fait, les graphiques LED de Dreamcast, c'est cool qu'elle n'a pas de port HD dessus. Là, t'sais, ben, ça, c'est ça. Fait du downgrade graphique à du 480i. Là, t'sais. Mais t'sais, ça a déjà été prouvé. Là, t'sais, si la Dreamcast a un port HDMI, c'est du graphique facilement cotable à une Wii. Là. Ben, oui. C'est sorti là, bien avant la Wii. Là. Oui. Regarde, il était assez avant-gardiste sur cette console-là. Mais t'es zéro sur la protection contre le piratage. Non, c'est là. Ça. C'est ça qui les a tués. Mais t'es, ça me fait de la peine de voir ces gars qui étaient tellement avant-gardistes sur bien des choses. Puis on s'entend que ces gars, ils faisaient des gros jeux là, parce qu'ils étaient fabricants d'arcade, veux pas. Ouais. Puis Dieu sait qu'ils en ont fait des excellents hype là, dans les vieilles années. Et voir ces gars aujourd'hui être à la ramasse, même pas capable de faire un jeu de Sonic qui se tient. D'ailleurs, je fonde beaucoup d'espoir sur Sonic Mania. Mais encore là, c'est même pas Sonic Team qui a fait. C'est un autre studio qui l'aide, qui aide ces gars à le faire. Je vais aller faire la recherche d'ailleurs parce que ça m'intrigue. C'est ces gars. Ben, il y a une autre compagnie qui travaille dessus. C'est Headcanon. OK. Donc, c'est un autre studio qui travaille dessus. Avec Sega. Donc, tu sais, la Sonic Team est complètement déconnectée là, de leur fanbase. Puis, tu sais, c'est complètement crétin parce que... Tu regardes qu'est-ce que Sega avait sorti. Il avait sorti Sonic Generation, qui est, à mon avis, un des meilleurs Sonic modernes qu'il y a eu depuis très, très longtemps, là. Avec justement la possibilité de pouvoir jouer entre les tableaux en mode classique ou en mode moderne, ça je trouvais ça vraiment génial. Oui, le moderne il laisse à désirer comme ben des Sonic modernes qui a sorti, mais c'était quand même très le fun de pouvoir swapper entre un et l'autre et ça avait vraiment un très bon rendu. Sonic Mania c'est vraiment un retour aux sources, ramener un Sonic en 2D qui va vite comme à l'époque du Genesis, donc ça risque quand même d'être très cool. Là, il y a eu des rumeurs, ça s'est toujours pas confirmé comme de quoi qu'il y aurait un Sonic Generation 2 qui s'en viendrait. Mais tu sais, entre ça, où ils ont commencé à sortir du Sonic classique, comme qu'est-ce que le monde y veut, ils ont sorti Sonic Boom, qui est affreux, qui est mauvais. Ah, c'est vrai. Ça a tellement eu des mauvaises critiques, ce jeu-là, c'est fou. Là. Je l'ai vu, j'ai même pas eu envie de l'essayer. Ben, le character design n'était pas si pire, là, à part une Knuckle, là, qui est ma foi très très laid, là. Mais t'es, pour le reste, c'était pas si pire, t'sais, c'était style du désert et tout. Là. Mais t'sais, ça reste que... T'sais, on veut pas de nouveaux amis à Sonic, on veut Sonic... T'sais, c'est pas compliqué, là. Sonic s'est tellement perdu dans plein d'affaires. Les joueurs, ils veulent que ça revienne à la base. Ils veulent Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Eggman. C'est les seules choses qu'on veut. Ouais. Mais c'était le fun, ça. Ça, c'était du Sonic. Ben c'est ça, on s'en fout de l'équipe chaotique, on s'en fout de Shadow, on s'en fout de Blaze, on s'en fout d'espèces de raccoon qu'on rajoutait dans Boom, on s'en fout d'Espio, on s'en fout de Big, de Cat, on s'en fout d'eux autres, là. On veut rien savoir d'eux autres, on veut Sonic, Tails, Knuckles et Amy, Eggman, that's it, c'est pas compliqué. Sont pas l'espèce de vilain serpent d'une île tropicale qui dormait là, des ancêtres et qui c'est un demi-dieu. On s'en calisse. On s'en fout. C'est Eggman le méchant. C'est Eggman. Eggman capture des animaux, ouais. Les met dans des robots. T'as pas besoin de travailler. On veut un jeu de plateforme réactif, fluide, qui va vite. Et des boss où c'est des robots, des inventions d'Eggman, et à la fin, ben, tu ramasses les 7 émeraudes, tu pètes la gueule d'Eggman, that's it. Arrêtez de vouloir évoluer l'histoire. Sonic n'est pas Mario. On dirait que c'est ça que ces gars, ils s'embourbent là-dedans. T'sais. T'sais, quand on est arrivé à l'ère 3D moderne... Ouais, c'est ça, ils pensent... Ouais, excuse, vas-y. Ces gars prennent Sonic pour leur Mario, comme. Mais tu peux pas mettre ça en 3D. Ben, tu peux le mettre en 3D, là. T'sais, comme ouais. Sonic Generation, le moderne, il se jouait quand même très, très bien, mais t'sais, c'était un corridor. Un corridor que tu suivais, t'allais vite. Mais t'sais, c'est pas parce que Sonic Adventure 1 et 2 ont eu un certain succès sur la Dreamcast que c'est la bonne formule à employer. T'sais, Sonic Adventure 1 et 2 a été une des premières transitions réussites vers la 3D, qui était très à saveur Mario 64, mais cette vague-là est terminée. Ouais. T'sais, il faut que ces gars passent à autre chose, et ces gars n'est plus un fabricant de consoles. Fait que les générations actuelles, ces gars, eux autres, ils ont aucun attachement à la marque. Eux autres, ils veulent jouer un bon jeu. Et ces gars, ils veulent s'embourber dans ce genre de film nostalgique-là où ils veulent s'accrocher absolument à Adventure pour dire, regardez, c'est un jeu d'aventure comme Mario 64, puis on est bon, puis il y a plein d'amis, puis il y a plein de missions, puis il y a plein d'affaires. Non. Prends ton fanbase qui est rendu adulte ou jeunes adultes, sors les jeux comme il aimait à l'époque, en 2D, comme Sonic Mania, ou encore comme Sonic Generation où tu peux jouer aux deux, tu vas aller chercher un nouveau fanbase et tu vas aller chercher les vieux de la vieille qui veulent un bon feeling de Sonic. Mais ah oui. Lâche les jeux à la Adventure comme Sonic Boom, ça ne marche pas. Oh, c'était même pas intéressant. Ouais, c'est comme... J'ai vu ça, c'est comme... Je pogne la pochette, je regarde en arrière, fait comme « Nope ». J'ai remis ça là, je suis parti. Mais le pire, c'est que ça cause, c'est depuis Sonic Heroes que c'est en déclin, là, cette formule-là. Puis on dirait que ces gars ne comprennent pas. C'est comme ouais. Sonic Heroes avait une mécanique intéressante où tu pouvais swapper entre les trois, c'était comme une team. Mais t'sais, l'histoire était. Ben, pas l'histoire, mais t'sais, ils ont voulu faire un Sonic Adventure 3 avec Sonic Heroes. Mais l'histoire était une marde, mais c'était les mécaniques de Sonic Adventure 2. T'sais, avec le principe de swapper des personnages. T'sais. Okay, ouais. Oui, ok, c'était cool parce que t'sais, c'était comme début GameCube, fin Dreamcast. Fait que t'sais, c'était comme un peu la continuité de Sonic pour que Sega montre « Ah oui, la console est morte, mais Sega, Sonic est encore là. » Fait qu'il y a eu un succès mitigé. Après ça, ils ont sorti... je me rappelle pas si Sonic Riders avait commencé sur GameCube ou s'il avait commencé sur la Wii. En tout cas, bref, ils ont quand même commencé à sortir un peu comme des jeux de course. En tout cas, bref, ils ont commencé à sortir des genres de... C'est sur la Wii, ça. Il y en a eu un sur la Wii, un Sonic Rider, mais le premier, je me rappelle pas sur lequel il est sorti. C'est GameCube, c'est une excellente console, mais j'ai pas... J'en ai déjà eu une, mais j'ai le pas... Le premier Sonic Rider est sorti sur GameCube. Ok. Fait que j'étais pas loin. C'est Zero Gravity qui est sorti sur la Wii. Ok. Puis Free Rider qui est sorti sur la 360 avec la Kinect, jeu atroce et affreux que les contrôles marchent pas. Juste pas. Mais ça pour dire que t'es. Sur Wii U, je me souviens plus du nom. Il y en a eu un aussi sur Wii U, un genre de Sonic, jeu de course là. C'est quoi? Ouais, c'est All-Star Racing. Ouais, c'est ça. J'ai déjà joué, c'était correct, là. Mais tu sais, c'est comme un Mario Kart version Sonic, là. T'sais. Ils ont perdu comme cette connexion-là, qu'est-ce qui est comme vraiment plate, là, si tu me permets. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est vraiment des choses qu'il faut qu'ils règlent. Ouais. Fait que c'est ça, c'est vraiment des choses qu'il faut qu'ils règlent au niveau là, de la connexion. Puis, tu sais, c'est un gros problème. On a fait une grosse bifurcation là-dessus pour dire qu'on a hâte que la Switch sorte. On va voir plus de détails. Oui, le 13 janvier, à peu près, aux alentours de ça, je vais. Putain, mais quand ça? C'est bien souvent, ils tombent les affaires. Ah, c'est un vendredi. C'est ouais. Un vendredi après-midi. Je devrais être bon pour l'écouter sans problème. Fait que, ben, moi, je vais de la maison. Fait que je vais l'écouter, c'est sûr. Ouais. Fait que non, c'est ça. Ça va être à surveiller. Sinon, rapidement, sans élaborer là-dessus, parce qu'il va falloir qu'on termine l'émission. Un autre jeu que je suis hypé, c'est Red Dead Redemption 2. J'avais beaucoup aimé le 1, donc j'ai très hâte de voir le 2. Donc, qui devrait sortir cet automne. Petit jeu aussi également là, que j'ai bien hâte de voir. Ce sera pas trop long, j'essaie de trouver le nom. Parce que j'ai un blanc sur le nom. C'est. Ici. Horizon Zero Dawn sur la PS4. Oui, c'est vrai ça. Que quand je vois les trailers, ça me laisse mi-figue, mi-raisin. Mais que le studio qui est en arrière de ça, je sais qu'ils font des excellents jeux. J'ai vraiment hâte de voir la prise en main de ce jeu-là. Parce que. Puis l'histoire. Pour l'instant, on n'a aucune info sur l'histoire. Ouais. On sait juste mais que c'est. Il a juste dans... PS4? Ouais. Non, je l'ai vu passer tantôt. Horizon Zero Dawn, c'est exclusivité PS4. Ah, ok. Non, c'était sur un autre site que j'avais. Il y a Siberia 3 qui va être. Je sais pas si ceux-là qui connaissent justement la série Siberia. C'est un jeu d'aventure point and click. Siberia 3 prévu pour le 15 mars. Il va être PC, PS4, One, PS3 sur iOS, Android et Mac. C'est un jeu d'énigmes. Un peu à, tu sais, dans le style Phantasmagoria. Il y en a beaucoup qui ont sorti dans ce genre-là. Puis et sinon, il y a aussi Yooka-Laylee. Oui, c'est vrai. Qui sort en avril. Oui. Sinon, dernier aussi, là, qu'on n'a pas encore le moment en 2017 là, qui risque de sortir, mais que j'ai quand même hâte de voir, c'est Cuphead. Je sais pas si tu en as entendu parler. J'ai pas vu ça passer, non. C'est un jeu qui va sortir sur PC et Xbox One. C'est un jeu en 2D. Un peu à la style Contra, là, si tu me permets, là. Mm-hmm. Mais avec une animation dans le style dessin animé de 1930. Ok. Dans le fond, tu joues deux Taos qui sont Cuphead et tu traverses des mondes fantastiques de dessin animé vraiment avec une animation style 1930. Ça a vraiment de l'air écœurant. Puis c'est un shmup, là, dans le fond. Là. C'est que tu tires des choses, des ennemis et tout, là, comme un Contra, un shoot'em all. Fait que ça risque d'être quand même très cool. Là. C'est pas mon jeu qui me hype le plus, là. Mais j'aime le style graphique et j'aime ce genre de jeu-là. Là. Fait que c'est un jeu qui est dans ma watchlist, là, bien évidemment. Autre jeu également là, qu'on pensait être un Vaporware, mais qui a resurfacé, qu'on sait qu'il devrait sortir en 2017, et c'est Prey. Aussi que j'ai très hâte de voir le reboot de la franchise, qui a de l'air très très intéressant. Puis bien sûr, il y a... Des affaires, des vidéos et des photos là-dessus, ça va être vraiment beau comme jeu. Là. Non, c'est ça, j'ai vraiment hâte de le voir. Puis moi, pour conclure, il y a aussi également Detroit Become Human, aussi là, sur la PS4, que j'ai bien hâte de voir, qui est fait par la même gang qui ont fait Heavy Rain, donc Quantic Dreams. Oh. Jeu qui a de l'air d'être énormément travaillé là, parce que il faut savoir qu'ils ont fait Heavy Rain, après ça ils ont fait Beyond Two Souls, après ça ils ont fait Until Dawn. Ils ont jamais réussi à récupérer le genre de hype que Heavy Rain avait. Là, avec Detroit Become Human, dans la bande-annonce, ils ont de l'air justement de montrer plus de choses, plus de mécaniques en fait, là, qu'on dirait qu'ils ont comme appris des deux derniers jeux qui ont sorti. Fait que ça risque d'être quand même très très intéressant. Les graphiques sont d'une beauté incroyable. Ça se passe dans une genre de ville, en fait, là, où il y a des êtres humains et des robots, des androïdes. Et les robots, normalement, ils ont des règles de programmation qu'ils doivent suivre. Mais il y en a qui virent Rampage. Donc, tu sais, qui suivent plus le code de programmation. Donc, des fois, il y a des prises d'otages. Puis, tu joues un négociateur, un androïde négociateur. Puis là, tu as des choix qui peuvent avoir des impacts. Comme le trailer qui avait été sorti au E3, c'est un robot, justement, qui fait une prise d'otage d'une jeune fillette. Donc, ton choix peut mener à la mort de la fillette. Donc, des choix moraux quand même très, très intéressants. Là. Ouais. Fait que, puis ça, c'est le genre de jeu qui vient de me chercher parce que j'aime ça, moi, les jeux où t'es bien narré avec une belle animation qui t'emmène justement à des choix déchirants comme ça où tu dois faire comme « Ah non, qu'est-ce que je fais? » Fait que j'ai quand même bien hâte de voir ça, là. Mais sinon, moi, ça serait pas mal le tour dans le temps que j'ai. T'aurais-tu un petit dernier pour la route, Carl, pour dernier, la conclusion? Un petit dernier. Vite de même, là. Ben, le Outlast 2. J'ai vraiment hâte. Il se pourrait sortir en octobre cette année. Il est supposé sortir l'année passée, mais il a été retardé à cette année, puis j'ai vraiment hâte. J'ai pas fini l'expansion du 1. J'ai passé le premier, mais pas l'expansion, le DLC. Mais non, c'est une franchise que je regarde très près. Moi, je suis trop pissou. Non, c'est... J'adore les jeux de ce genre-là. La problématique, par contre, parce que le premier, je l'ai streamé au complet, c'est que j'écoute des films d'horreur depuis que j'ai 6 ans. Je suis tellement habitué de cet univers-là que j'ai pas des réactions. Je fais pas de saut. Je vais avoir des réactions, mais pas quelque chose comme quelqu'un qui fait... qui écoute un film d'horreur ou peu importe, qui joue à un jeu dans ce genre-là puis qui va faire vraiment un saut. Ou faire comme... c'est vraiment juste des commentaires ou une petite réaction, mais sans plus. Fait qu'il y en a qui trouvent ça plate. Moi, j'adore ces jeux-là. J'adore y jouer. Mais tu sais, j'ai juste... On dirait que j'ai pas d'émotion quand je joue à ça. Mais non, c'est ça. Puis il y a également aussi Gravity Rush 2 sur la PS4. Surveiller, j'avais joué Gravity Rush 1 sur la PS Vita. Jeu excellent, en fait. Là, si vous avez une PS Vita, le jeu Gravity Rush doit figurer dans votre librairie de jeux. Sinon, vous êtes vraiment cave. Non, c'est ça de même, là, vous êtes cave. Mais le 2 va sortir sur PS4. Parce que justement, le 1 a eu un excellent succès, quand même très bonne réponse. Là. Fait qu'on a décidé de sortir le 2, mais sur une plateforme qui est plus mainstream, là, parce qu'on s'entend que la PS Vita, actuellement, c'est comme un peu la console hipster de la console portable. Ouais. Tu vois quelqu'un qui joue à la PS Vita dans un autobus, fait comme « Oh mon Dieu! » Salut, hipster! Fait que ça va être à surveiller. Donc, je vous dirais, 2017, ça annonce quand même très prometteur en frais de jeu. Oui. Là. En tout cas, je sais qu'il y a eu beaucoup d'annonces. Ben, en fait, c'est un peu con, là. Mais 2017, c'est comme l'aboutissement des jeux qu'on s'est fait annoncer en 2015. Oui, tout à fait. Tu sais, parce que depuis que les consoles de nouvelle génération sont sorties, ils nous ont annoncé plein de jeux. Ben, toutes les fois, j'ai fait comme « Ah, tu sais, c'est cool, ça va être malade, c'est quand que ça sort, à déterminer. » On est arrivé en 2016, on a vu le 3, on nous a représenté les mêmes jeux. T'as remarqué qu'on a eu quelques nouveautés, mais c'est principalement des jeux qu'on savait déjà. Mais là, on avait une date. Et là, c'était pour 2017. Puis là, ben, on est en 2017. Là. Fait que c'est comme l'aboutissement de jeux qui ont été annoncés il y a 2 ans. Ouais, puis il y en a beaucoup qui ont été retardés. Parce que quand on regarde juste Legend of Zelda, qui était supposé de sortir en 2015, qui a été retardé en 2016, puis retardé encore en 2017 avec la Switch. C'est comme... Ils sont mieux d'être bons. Ouais. Ça. Puis on parlera pas de Prey, là. T'es Prey, je pense que c'est lui qui a la palme d'or, là. C'est le nouveau Duke Nukem Forever du jeu. Ouais. Là, malheureusement. Cyberpunk 2070, je crois que ça fait longtemps qu'il est repoussé, puis qu'il est repoussé, repoussé. Ben, ça, par exemple, ils l'ont expliqué, là, CD Projekt Red. Ouais. Puis tu sais, c'est pas une question de problématique ou quoi que ce soit, là. Non. Tu sais, c'est un principe que... T'sais, ils ont tout simplement dit Ils ont tout simplement arrivé, ils ont dit, ben écoute, Witcher 3 a tellement un bon succès qu'on va se concentrer à alimenter ce jeu-là pendant quelques temps. Puis nous autres, ça va nous permettre de travailler sur Cyberpunk pour qu'il soit au niveau de qualité que vous attendiez de Witcher 3. Fait que t'sais, finalement, t'sais, c'est juste pour dire, ben garde, on va alimenter votre hype du baba, on va vous sortir du stock gratuit, t'sais. Puis après ça, on va faire les annonces, les vraies annonces pour Cyberpunk, mais avec de quoi de calibre à la Witcher 3. Là. Fait que je trouve que c'est quand même très bien. Là. C'est un nouveau IP, mais ils veulent s'assurer d'avoir le même niveau que le troisième titre de leur plus gros IP ever de la vie de leur studio. Ouais. Fait que c'est quand même pas si pire. Là. Mais tu sais, ils sont bons dans ce qu'ils font. J'ai pas joué à Witcher 3, j'ai joué au 2. Mais contrairement à Bethesda, ils font des jeux de calibre à la Bethesda, Ouais. Mais sans les bugs. Ouais, c'est ça, sans les bugs. Avec un studio beaucoup plus petit. Ouais. C'est quand même ça qui est assez impressionnant, là. Ben, tu sais, je veux dire, la grosseur du studio, c'est une chose, mais ça enlève rien à la qualité du jeu. Ben souvent, tu regardes, c'est des gros studios qui ressortent les jeux plus buggés. Ah, c'est ça, fait que c'est quand même... Puis juste pour te dire, Prey 2, là, il avait été annoncé pour 2011. Oh, fuck, ouais, ça fait 6 ans, là. Ce serait le temps, là. Puis il était en travail depuis 2009. Et shit, ok, ouais. Ils ont eu le temps de changer plusieurs fois de moteur graphique. Non, mais la meilleure, c'est qu'il était en 2011, il avait été annoncé en 2000... il a été commencé à travailler en 2009, il a été annoncé en 2011... Il a été retardé. J'attends que Bethesda le confirme annulé officiellement en 2014. Okay. Pour le réannoncer au E3 de l'année passée. Fait que ça donne ça une idée combien de fois qu'ils ont dû retravailler sur Prey 2, là. Puis en plus, c'est même pas le 2, là. C'est un reboot. Ouais. Ah non, c'est... Mais j'ai quand même hâte de voir, tu sais, je veux dire... J'ai très hâte de le voir aussi. Donc, on va y aller avec le mot de la fin, Carl, si tu me permets. Donc, on vous rappelle que le Puissance Maximale, c'est bien évidemment un site internet, le www.puissancemaximale.com, que vous êtes normalement dessus actuellement pour écouter l'émission, donc qui est maintenant en format web radio. Je sais que le site est toujours en construction, mais j'ai pas eu de temps, moi, pendant mes vacances, malheureusement. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Sinon, Puissance Maximale est également une page Facebook. Recherchez Puissance Maximale, vous allez trouver les productions Puissance Maximale. Faites un j'aime pour être tenu informé de toutes les nouvelles et les événements où on va participer. Également, le Puissance Nano est maintenant rendu avec sa propre identité, sa propre page Facebook. Donc, si vous recherchez Puissance Nano, vous allez trouver la page. C'est là-dessus que vous allez avoir les communiqués, les plans d'émission, savoir de quoi qu'on va parler dans la journée. Et également, on a la page personnelle à moi, Nru, si vous voulez avoir du Twitch, du YouTube, gaming, c'est là-dessus que vous allez l'avoir. Malheureusement, encore en pause. Je suis supposé recommencer prochainement. Qui sait, peut-être relancer ça avec du Overwatch, avec Atomic. On va checker ça. Je retiens à remercier Luc Biron de nous avoir accordé du temps pour nous parler du jeu animé d'hiver 2017, qu'on rappelle les dates, le 20, 21, 22 janvier au Palais des Congrès de Gatineau. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous dis, ça va être une programmation complètement folle, avec plein de choses dedans. Donc, ça va être vraiment à ne pas manquer. Sinon, je retiens à remercier également Carl, qui est toujours avec moi actuellement, d'avoir participé à l'émission. Donc, merci beaucoup, Carl. Et on peut te retrouver à quel endroit sur les réseaux sociaux? On peut me retrouver sur Facebook avec la page Facebook de La Game. Aussi sur mon compte de Twitch Atomic Turtle. Atomic avec un 0 et non un O. Sinon, Twitter aussi, on peut trouver La Game là. Ensuite, La Game sur Twitch qui va recommencer, devrait recommencer bientôt les podcasts en live. Bien hâte d'arriver, de revenir avec ça en fait. Avec du nouveau contenu, nouvelle structure, nouveau défi. Ça va être le fun. Ben, parfait, merci beaucoup. Donc, sur ce, mon nom est Andrew. Et comme à l'habitude, je vous souhaite une excellente semaine de jeu. Better get back up here. This is a song about a guy you might remember from high school. Or you might be this guy from high school, I don't know.